le vice des vertus, ce qu'on mérite, rien de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. En rajoutant tes plus, sans mesure au superflu, de chic, de luxe et d'éclat, etc. Et pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Oh, oh, pour la galerie, tout pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Et vice versa. Ne s'est jamais perdu dans l'excès de m'as-tu vu, et plaire comme plaire à tout va, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Puisqu'on vit pour la galerie, que pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Sans bien à qui ça veut, à l'image de soi-même, si c'est pour son bien, on le fait quand même. On fait tout pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Puisqu'on vit pour l'important n'est qu'un détail, et vice versa. On a le vice des vertus, on se rajoute toujours plus de chic, de luxe et d'éclat, etc. Pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Puisqu'on vit pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. On fait tout pour la galerie, pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Puisqu'on vit pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Et vice versa.